Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas-salat. حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله اتقوا الله واعلموا أن الصلاة من أهم أمور العبد فمن حافظ عليها وحفظها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها من عمله أشد إضاعة وهي عمود الإسلام serviteur d'Allah craignez Allah et sachez que la salat est la chose la plus importante parmi les affaires du serviteur d'Allah. Celui qui préserve sa salat et qui la garde, Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et il garde par cela sa religion. Tandis que celui qui la laisse ou qui la néglige, eh bien il a perdu ce qui est plus grave encore. Et la salat, c'est le pilier de l'islam. Wa idha lam yakun lil bunyani umud la yastaqim. Si la demeure ou la maison ou le bâtiment n'a pas de pilier, eh bien le bâtiment ne peut pas se tenir. Et donc c'est pour cette raison que la salat est un pilier par rapport à la religion et qui tient le reste de la religion et qui la garde en place. فَقَبُولُ سَائِرِ الْأَعْمَالِ مَوْقُوفٌ عَلَى قَبُولِ الصَّلَاةِ فَإِذَا رُدَّتْ رُدَّتْ سَائِرُ الْأَعْمَالِ وَهِيَ أَوَّلُ فُرُودِ الْإِسْلَامِ وهي آخر ما يفقد من الدين فهو أول الإسلام بعد التوحيد وهو آخره. Et donc l'acceptation des autres œuvres s'arrête et est limitée par rapport à l'acceptation de la salat. Si la salat est rejetée par Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'il y a un manque de sincérité dans son accomplissement ou bien parce qu'il y a une négligence dans ses conditions ou bien parce que il y a des défaillances dans cette prière ou dans cette salat qu'on a accomplie, eh bien, la même chose pour le reste de nos œuvres. Le reste de nos œuvres, nos autres bonnes œuvres seront également rejetées. Donc, pour que tes œuvres, toutes tes autres actions soient acceptées, il faut que ta salat soit acceptée. Et c'est la première des obligations de l'islam qui a été révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la dernière chose qui va être abandonnée parmi les éléments de la religion. Et donc, c'est la première des ordres de l'islam après le tawhid. Et c'est également la dernière des choses qui va rester dans cette umma. ولا يعتدل سلوك المسلم في شؤون دينه ودنياه حتى يقيم هذه الصلاة على وجهها المشروع عقيدة وعبادة متأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. صلوا كما رأيتموني أصلي كما قال صلى الله عليه وسلم. Et le comportement et la conduite du musulman dans les affaires de sa religion et dans les affaires de sa dunya ne sera pas stable et ne sera pas droite tant qu'il n'a pas établi sa salat de la manière qui est légiférée par Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa croyance et dans ses adorations, dans sa aqidah et dans sa ibadah, en prenant comme exemple et comme base dans sa façon d'établir sa salat l'exemple du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith, priez comme vous m'avez vu prier. Et donc, c'est-à-dire selon la aqida du prophète sallallahu alayhi wa sallam et la foi en Allah subhanahu wa ta'ala et le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala et le rejet du shirk et de l'adoration d'autres que Allah, et en suivant l'exemple et la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de prier tel que la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été décrite dans les livres de hadith authentiques par les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. وقد روى مسلم عن عثمان بن عفان ذي النورين رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يأتي كبيرة وذلك الدهر كله. Il a été rapporté par l'imam Muslim dans son sahih, selon Uthman ibn Affan radiyallahu anhu, Dhunmurayn. Il a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que quiconque parmi les musulmans qui est présent lors de la prière obligatoire et qui la fait comme il faut, de la meilleure manière, Et qui fait de la meilleure manière son wudu, son ablution, et qui prie cette prière et cette salat avec concentration et humilité envers Allah subhanahu wa ta'ala, et qui fait son rukou, c'est-à-dire son inclinaison, et toutes les différentes portions et les différentes parties de la salat, il les accomplit avec ihsan, c'est-à-dire avec perfection, excepté que cette prière sera pour lui une expiation pour tout ce qu'il a fait précédemment comme péché, tant qu'il s'est écarté des grands péchés et des péchés capitaux. Et cela est pour tout le temps, c'est-à-dire ça reste pour toujours. Et donc cela nous amène à parler du sujet qui est le sujet de ta'zim au qadr as-salat, c'est-à-dire d'avoir du respect, et d'agrandir la valeur et le statut et de connaître l'importance de la valeur de la salat. Et même un des imams parmi les imams des salafs qui s'appelle l'imam al-Marwazi, qui était un des chouyours parmi les chouyours de l'imam al-Bukhari, il a écrit un livre qui s'intitule Ta'zim au qadr as-salat, c'est-à-dire de respecter et d'avoir du respect pour la valeur de la salat. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant sa mort, quelques jours avant sa mort, ou même quelques moments, ou quelques instants même avant sa mort, quelle était sa préoccupation principale? Sa préoccupation principale, c'était la salat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a mentionné que parmi ses dernières paroles, il a dit « As-salat, as-salat, wa ma malakat aymanukum ». C'est-à-dire « la salat, faites attention à votre prière, faites attention à votre salat ». Et au moment où il était entre la conscience et l'éveil, chaque fois qu'il se réveillait, il perdait conscience. Et lorsqu'il reprenait conscience, il disait, est-ce que les musulmans ont prié? Est-ce que les gens ont prié? Est-ce que les gens ont établi la salat dans la mosquée? Et les musulmans attendaient. Et il tombait sans connaissance encore. Et il reprenait conscience et il demandait, est-ce que les gens ont prié? Et il reperdait connaissance encore, et il reprenait connaissance, il reprenait conscience. Il disait, est-ce que les musulmans ont prié? Et finalement, il demanda à ce que Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, dirige la prière. Et il a dit, ordonnez Abu Bakr pour qu'il dirige la prière. Alors Abu Bakr a dirigé la prière avec les musulmans. Et à ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est senti mieux. Alors il est sorti de sa demeure aidé par deux d'entre ses compagnons qui l'ont soulevé et qui l'ont amené jusque dans les rangs, jusqu'à côté de Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. Et Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, lorsqu'il vit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était sorti pour faire la salat, il s'est reculé pour laisser la place au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire l'imam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait signe de rester, hein, de rester et de garder sa place d'imam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assis à côté de Abu Bakr et il a fait sa salat. Et Abu Bakr suivait la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les musulmans derrière Abu Bakr suivaient la prière de Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu. Et parmi les exemples des préoccupations du prophète sallallahu alayhi wa sallam juste avant sa mort, il disait La'natullahi ala al-Yahudi wa al-Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Que la malédiction d'Allah soit sur les juifs et les chrétiens. Ils ont pris les tombeaux de leurs prophètes comme des lieux d'adoration, comme des lieux de culte. Donc sa préoccupation c'était la salat, c'était l'ibad, c'était de mettre en garde sa umma contre les manifestations du shirk qui s'étaient manifestées dans les peuples précédents comme chez les juifs et chez les chrétiens. Un des exemples qui montre également l'importance de la salat, c'est que la salat a été ordonnée à tous les prophètes et à tous les messagers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc on ne peut pas prétendre ou essayer de faire croire aux gens que de donner de l'importance à la salat ou que de donner de l'importance à l'établissement des prières 5 fois par jour dans les mosquées, que c'est quelque chose qui fait partie des manifestations de l'extrémisme dans l'islam, ou que c'est quelque chose qui fait partie des manifestations de l'intégrisme dans l'islam, ou de ce que les gens utilisent comme terminologie moderne à notre époque. Puisque la plupart de ceux qu'on appelle les intégristes aujourd'hui sont des groupes islamistes politiques qui font partie des groupes d'égarement, comme le groupe des frères musulmans qui a été créé en 1928. Est-ce que les musulmans avant 1928 ne donnaient pas d'importance à leur prière? Est-ce qu'ils ne donnaient pas d'importance à l'établissement de la salat 5 fois par jour? Bien entendu, puisqu'on a les mentions des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis plus de 1400 ans qui nous montrent à quel point l'établissement de la salat est grande et à quel point les musulmans donnaient une grande importance à l'établissement de la prière. Parce que la salat, c'est la relation qui existe entre Allah et ses serviteurs et les créatures. Et non seulement c'est quelque chose qui a été établi par yani, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et par les sahaba et ceux qui les ont suivis par la suite, les tabi'in et les tabi'in, mais même les messagers qui sont venus avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eux aussi ont établi la salat. Et on a des exemples même de Isa dans le livre des juifs et des chrétiens aujourd'hui qui mentionne des exemples de Isa ibn Maryam. Lorsqu'il priait, il tombait face par terre et il pleurait des sanglots en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc la prière telle que les musulmans la font aujourd'hui, elle existe même dans l'exemple de la prosternation des prophètes dans le livre des juifs et des chrétiens telle qu'elle est mentionnée aujourd'hui. On mentionne à propos d'Ibrahim, à propos d'Ismaïl, à propos de Moussa alayhi salam, dans le livre des juifs et des chrétiens aujourd'hui, qu'ils se sont tombés face à terre, prosternés à Allah subhanahu wa ta'ala par crainte de lui. Et ça faisait partie de leur prière et de leur exemple. Donc la salat, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique ou uniquement ordonné à la umma du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est quelque chose qui existe même préalablement aussi chez les autres messagers que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyés avant. Et l'imam al-Sa'di, il dit dans son tafsir, إِنَّ الصَّلَاةَ لَمْ تَزَلْ مَشْرُوعَةَ لِلْأَنْبِيَاءَ الْمُتَقَدِّمِينَ وَأَنَّهَا مِنْ أَفْضَلِ الْأَعْمَالِ حَتَّى إِنَّهُ مُتَقَرَّرٌ عَنِ الْكُفَّارِ فَضْلَهَا وَتَقْدِيمَهَا عَلَى سَائِرِ الْأَعْمَالِ وَأَنَّهَا تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَهِيَ مِيزَانٌ لِلْإِيمَانِ. L'imam al-Sa'di dit dans son tafsir que la salat a toujours été légiférée pour tous les prophètes précédents et qu'elle fait partie des actions les meilleures et les meilleures des œuvres. Et c'est même quelque chose qui a été confirmé chez les kuffars, c'est-à-dire chez les non-croyants, chez les non-musulmans, que c'est quelque chose de méritoire et à laquelle on donne précédence sur toutes les autres œuvres, et qui interdit la turpitude et les mauvaises choses et le péché, et que c'est considéré comme étant une balance pour la foi et pour les législations. C'est-à-dire que tu veux savoir où se situe ta foi et à quel niveau se situe ta foi et ta religion. Regarde ta salat. Regarde où est-ce que tu te tiens par rapport à ta salat et par rapport à l'établissement de ta salat. Celui qui lit les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam comprend la grandeur et l'importance de la salat. Et également un autre élément qui mentionne et qui confirme la grande importance de la salat, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a pas révélé par l'intermédiaire de Jibril, contrairement aux autres ordres et aux autres règles de l'islam. Mais la salat a été révélée par Allah subhanahu wa ta'ala directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de Al-Mi'raj, l'ascension du prophète sallallahu alayhi wa sallam au-delà des sept cieux. Et elle était ordonnée au début comme étant 50 prières obligatoires chaque jour, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala la réduise par sa miséricorde pour les croyants de 50 à 5. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Hiya khamsun bil adad wa khamsuna fil ajr » C'est-à-dire qu'elles sont 5 en nombre, mais 50 en récompense. Et malheureusement, lorsqu'on voit aujourd'hui beaucoup de musulmans, malheureusement, qui négligent et délaissent l'obligation de la salat, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien plutôt comme Allah subhanahu wa ta'ala le mentionne dans le Coran, après avoir mentionné les messagers et les prophètes et leur attachement à la prière, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةِ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غَيَّةِ C'est-à-dire que, après les messagers et après les prophètes sont venus des gens qui leur ont succédé et qui ont contredit leur exemple ou qui n'ont pas suivi leur exemple comme il faut et qui ont négligé la salat et suivi leurs désirs et leurs passions. Et ils seront jetés dans la punition d'Allah, dans l'enfer. Et donc ça c'est un exemple. Et pourtant tu vois que des musulmans parfois inventent des célébrations et des fêtes qui n'ont aucun rapport avec l'islam, comme par exemple la célébration de l'Isra ou al-Mi'raj, qui sont des bid'ah, qui sont des innovations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait, ni les sahaba, ni les tabi'in, ni les tabi'in. Hein? La même chose pour le maulid, la célébration de la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On n'a jamais vu cette célébration-là, ni chez le prophète, ni du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni des sahaba, ni des tabi'in, ni des tabi'in, ni de l'imam al-Shafi'i, ni de l'imam Abu Hanifa, ni de l'imam Malik, ni de l'imam Ahmed ibn Hanbal, ni de l'imam al-Bukhari dans son Sahih, ni de l'imam Muslim, ni de l'imam al-Nasa'i, ou l'imam Abu Daoud, ou al-Tirmidhi, ou Ibn Majah, ou aucun d'entre les grands narrateurs de hadith n'ont jamais parlé de ce genre de célébration ou de ce genre de fête qui a été inventée des siècles après, hein, et qui fait partie de l'imitation des fêtes innovées chez les juifs et les chrétiens. Donc tu vois des musulmans s'attacher à ces célébrations-là et ne jamais manquer ces célébrations-là et qui ne négligent jamais ce genre de célébration, et pourtant ils négligent la salat qui est une des plus grandes obligations que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux croyants. Hein? Donc ils ne manquent pas ce genre de célébration. Ils ne manquent pas l'heure d'arriver au travail et quand est-ce qu'ils doivent être au bureau ou lorsqu'ils doivent être à l'école ou lorsqu'ils doivent être au rendez-vous chez le docteur ou lorsqu'ils ont une entrevue avec quelqu'un d'important ou une réunion importante, que ce soit pour les choses de la dunya ou pour d'autres. Hein? Et il y en a parmi les musulmans qui font tout pour cacher leur apparence islamique et pour cacher le lien et l'appartenance qu'ils ont à la religion d'Allah. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun signe apparent et extérieur de leur attachement à l'islam et qu'ils prétendent qu'ils veulent apprendre ou appeler les autres à l'islam uniquement par le comportement. Mais si tu te bases uniquement sur ton comportement et que tu ne fais pas la salat et que tu ne t'attaches pas à ta salat et que tu n'as aucun signe extérieur qui montre que tu as un lien avec l'islam, comment peux-tu prétendre vouloir faire la da'wah? Et comment penses-tu ou t'imagines-tu que les gens qui te voient de l'extérieur et qui n'ont aucune idée de quelle religion tu suis, de quelle religion de quelle manière tu adores ton Créateur, comment pourraient-ils apprendre ou savoir qu'est-ce que c'est ta religion et qu'est-ce que c'est l'islam? Et comment peux-tu appeler ça de la da'wa s'il n'y a aucune mention ou aucun signe qui montre qu'il y a un lien entre toi et l'islam, qui est la religion d'Allah et la religion de ses messagers? Et donc, sachez que manquer la salat pour des raisons halal, c'est grave, c'est très grave. Et on a mentionné déjà des exemples de ça. Quelqu'un qui manque la salat pour le travail, qui est halal, ou pour une réunion, ou pour aller à l'école, qui sont des choses halal. Hein? Mais de les manquer pour des choses haram, c'est encore pire. Si de la manquer pour des choses halal, c'est interdit et c'est grave, et de la manquer pour des choses haram, c'est encore pire. Et c'est quand je dis de manquer la salat ou de la négliger, c'est-à-dire que tu la retardes de son temps obligatoire sans excuse. Et il y en a parmi les musulmans à notre époque, et surtout dans les pays non musulmans comme en Occident, qui retardent leur prière jusqu'au soir, c'est-à-dire depuis le fajr jusqu'à l'asr, al-maghrib, al-isha. Ils laissent toutes ces prières passer dans la journée et arrivés chez eux le soir, ils vont toutes les faire d'un seul coup. Et ils disent, j'ai fait mes prières. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta » C'est-à-dire que la salat a été établie pour les croyants à des temps bien précis et bien délimités. Et donc tu ne peux pas dire volontairement que je vais retarder ma prière jusqu'à la fin de la journée, ou dis je vais laisser passer cette prière volontairement, sans excuse valable. On ne parle pas des excuses valables. Si quelqu'un est malade, par exemple, ou si quelqu'un est en voyage, ou s'il y a une tempête de neige, ou une tempête il y a de la pluie, tu rassembles la prière de Dhuhr avec la prière de Asr, ou la prière de Maghreb avec la prière de Isha, dans des situations comme ça, c'est permis. Mais on parle de retarder sans raison et sans excuse la prière. Pourquoi? Pour des choses de la dunya. Et le croyant a comme obligation d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala plus que tout. Et cet amour d'Allah subhanahu wa ta'ala doit être manifeste par l'obéissance aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et par le fait de s'abstenir des interdictions que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnées. Et parmi les plus grands ordres, c'est d'établir la salat. Et parmi les plus grandes interdictions, c'est de s'écarter justement d'établir la prière comme il faut. قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dis réellement, dis aux gens, ô Muhammad, dis aux gens, si réellement vous aimez Allah, alors suivez-moi. Hein? Et Allah va vous aimer et vous pardonnera vos péchés. Mais de dire avec la bouche, j'aime Allah, et puis tu retardes ta prière et tu laisses sortir le temps de ta prière sans excuse valable selon la charia, c'est-à-dire sans excuse valable dans la charia. Dans ce cas-là, où est-ce qu'elle est cet amour? Tu dis j'aime Allah et lorsque vient la salat de Fajr, tu dors d'un sommeil profond. Hein? Peut-être même que tu ne mets même pas l'alarme de ton réveil pour te réveiller à la prière à temps. Et tu dis j'aime Allah subhanahu wa ta'ala. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. Allah subhanahu wa ta'ala décrit les croyants comme étant ceux que lorsqu'on leur rappelle des signes d'Allah et lorsqu'on leur rappelle de la prosternation, ils tombent prosternés et ils donnent de ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné, ils dépensent de leurs biens et leur dos s'arrache de leur lit. Ils invoquent Allah subhanahu wa ta'ala avec crainte et avec amour. Donc ça c'est pour dire que yani, leur amour du sommeil et leur amour de leur lit n'a pas précédence sur leur obligation. Et c'est pour cette raison que même le mu'adhin, lorsqu'il fait le adhan pour la prière du fajr, il dit quoi? As-salatu khayrun min an-nawm. La salat est meilleure que le sommeil. Donc l'amour verbal c'est quelque chose qui est facile, mais la aqidah, quand c'est une conviction profonde basée sur une foi profonde, elle se manifeste dans les œuvres. Elle se manifeste dans les œuvres et non pas seulement dans la théorie ou bien dans le fait de répéter des paroles. Tu as mémorisé al-usul al-thalatha, tu as mémorisé al-aqidat al-tahawiyya, al-aqidat al-wasitiyya, tu as mémorisé al-fatwa al-hamawiyya. Peut-être que tu as mémorisé plein de textes de aqidah, mais lorsque vient l'application de cette aqidah, où est-ce qu'elle est, cet amour? Hein? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, wa'mur ahlaka bis-salat, wa'stabir alayha, ordonne la salat à ta famille. Et sois endurant et force-toi à être endurant dans cette salat. Hein? Et ça implique donc d'ordonner à ta famille, ta femme et à tes enfants d'établir la salat. Tes enfants, tu les envoies où? Tu les envoies dans les écoles publiques. Les écoles avec les juifs et les chrétiens et les athées et les kuffars. Est-ce qu'ils font la salat? Est-ce qu'ils font la salat de dhuhr? Est-ce qu'ils font la salat de asr quand ils sont dans ces écoles? Et on sait que ces deux prières-là sont présentes tous les jours. Est-ce que vous pensez que ce sont leurs professeurs, chrétiens ou juifs ou athées, qui vont leur ordonner de les faire? C'est la responsabilité des parents d'établir, de leur faire établir la salat. Et ils seront questionnés par Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Bayna al-rajul wal-kufr wal-shirki tarku salat » Entre l'homme, la mécréance et l'idolâtrie, le shirk, il y a le fait d'abandonner la salat. C'est la différence entre toi et le kafir. Si tu ne pries pas, si tu ne fais pas ta salat, qu'est-ce qui te distingue du kafir? Qu'est-ce qui te distingue du mouchrik? Hein? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat faman tarakaha faqad kafar » L'engagement qu'il y a entre nous et eux, c'est la salat. Celui donc qui l'abandonne, il a mécru, c'est-à-dire il a rejeté la foi. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Khamsu salawatin faradahun Allah » على المسلم في اليوم والليلة من حافظ عليهن كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ولم يحافظ عليهن ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, il y a cinq prières qui ont été ordonnées pour le musulman. Allah les a rendues obligatoires le jour et la nuit. Celui qui les préserve, elles sont pour lui une lumière et une preuve et un salut au jour de la résurrection. Mais celui qui ne les préserve pas, elles ne seront pas pour lui ni lumière, ni preuve, ni salut. Et il sera ressuscité au jour de la résurrection avec Qaroun, avec Pharaon, avec Haman et avec Ubay ibn Khalaf. Fattakullaha ibadullah, la'allakum tuflihoun. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala, ô vous les serviteurs d'Allah, pour que vous ayez le succès. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wa salatu wa salamu ala rasulihi al-kareem. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Inna awwala ma yus'alu al-abdu anhu min amalihi. As-salat. Fa'in tuqubbilat minhu salatuhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la première chose sur laquelle le serviteur sera questionné parmi ses œuvres, c'est sa salat. Si sa salat est acceptée, le reste de ses œuvres sera accepté. Et donc, comme on a expliqué, mes chers frères, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet-là est claire. Sachez donc que d'abandonner la salat, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé kufr. Et donc c'est très grave. Et c'est plus grand que, c'est considéré comme étant plus grand que les kaba'ir. C'est parmi les kaba'ir, un des plus grands kaba'ir, un des plus grands péchés. Plus grand que le zina. Plus grand que al-qatl, le meurtre, l'adultère, la fornication. Plus grand que al-liwat, la sodomie. Plus grand que l'alcool, le fait de boire de l'alcool. Et plus grave et pire que de manger du porc. Celui qui ne fait pas sa salat, c'est pire que toutes ces choses-là que je viens de mentionner. Donc celui qui pense que d'être musulman se limite à dire « moi je ne mange pas de porc hein? ». Il y en a parmi des gens comme ça qui ont cette idée. « Je ne mange pas de porc, je suis musulman ». Ça ne suffit pas. La salat, c'est la priorité. Après « la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah », rien ne mérite d'être adoré excepté Allah et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et le messager d'Allah, vient la salat. Celui qui la délaisse, c'est pire que manger du porc. C'est pire que faire le zina, c'est pire que tuer, c'est pire que tous ces crimes-là ensemble. Et celui qui يعني, ne prie pas, comme on l'a mentionné dans le hadith, certains des ulama mentionnent que celui qui ne prie pas, il est kafir. C'est-à-dire, il est mécréant. Il n'est pas considéré musulman. Hein? Et selon d'autres ulama, ils considèrent que tant qu'il reconnaît son obligation, il est toujours musulman, mais toutefois, il est parmi les pervers et les pécheurs. Donc, l'importance de faire la salat. Et aussi de faire la salat à la mosquée. Puisque Abdullah ibn Mas'ud, il a mentionné que de délaisser la salat, et de ne pas la faire, par exemple, à la mosquée, que c'était quelque chose qui fait partie des signes de l'hypocrisie. Les signes du nifaq. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même mentionné, en particulier, la salat de Fajr et la salat de Isha. Hein? Maintenant, on pose la question, si celui qui ne fait pas la salat, comment je vais faire? Comment je peux faire? Parce que moi, je ne fais pas la salat. Et je trouve que c'est difficile. Je trouve que c'est dur. Qu'est-ce que tu peux faire? Première chose, même si tu fais tes 5 prières par jour, de toujours te souvenir que c'est uniquement par l'aide d'Allah que tu l'as fait. Et tu te rappelles des versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Iyyaka nasta'in » C'est à toi seul à qui nous demandons de l'aide. Donc tu demandes l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour faire ta salat. Tu as de la difficulté à la faire, tu trouves que c'est difficile, demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le professeur Hassan faisait le dua, il l'enseignait à ses sahaba, a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Aide-moi à ton rappel et à ton remerciement et à bien t'adorer. Tu demandes l'aide d'Allah, Allah va t'aider. Et tu fais les causes, hein, tu fais les causes et tu prends les moyens nécessaires pour être capable de les faire. Tu veux la faire ta salat, reste avec les gens qui font la salat. Si tu restes avec des gens qui délaissent la salat, tu vas finir comme eux, tu vas délaisser ta salat toi aussi. Tu veux commencer à l'établir, quitte ces gens-là avec qui hein, tu négliges ta salat et va avec les gens qui font la salat, tu vas commencer à l'établir. C'est le lien entre toi et ton créateur. Et dans les pays musulmans, déjà il y a l'établissement de la salat, il y a le adhan, il y a les mosquées. Dans les pays non musulmans, il n'y a pas ces choses-là. Tout ce qui est autour de toi, c'est une distraction. Même pour établir des mosquées, il y a des restrictions, il y a des difficultés. Tout ce qui te rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala est loin de toi. Alors tu dois faire plus d'efforts. Hein, et d'établir ta salat, parce que ta salat c'est un rappel. Et si tu trouves que c'est difficile à un point où tu ne peux même pas établir ta salat, dans ce cas-là, il y a des solutions. Il y a parmi les exemples de faire la hijra. C'est-à-dire tu quittes un endroit où tu ne peux pas pratiquer ta religion et où il n'y a pas l'islam et tu t'en vas dans un pays où il y a l'islam et où il y a l'application de la salat. Ça fait partie des obligations dans l'islam. Et ce n'est pas quelque chose qui se limite historiquement à une époque. C'est-à-dire à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais la hijra est obligatoire, comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, jusqu'à ce que le soleil se lève à l'ouest. Donc c'est jusqu'à la fin des temps, la hijra va demeurer et restera toujours obligatoire. Si tu ne peux pas établir ta religion ici, comme la plupart des gens, eh bien dans ce cas-là, tu quittes et tu vas dans le pays musulman où tu peux établir ta salat. Sinon, ce n'est pas une excuse pour négliger ta religion. Puisque déjà en partant, tu ne devais pas quitter ton pays musulman pour venir dans un pays où tu sais et tu savais déjà d'avance que tu n'allais pas pouvoir pratiquer ta religion. Donc tu étais déjà dans le péché avant même d'être venu, si tu savais ça et que tu sais que tu es faible en toi-même et que tu ne peux pas appliquer ta religion comme il faut. Et deux choses pour terminer, que la récompense de celui qui établit ses salawat, c'est le paradis et rien d'autre que le paradis. Et un des signes par lesquels les musulmans qui ont commis des péchés et qui seront dans l'enfer seront reconnus parmi les habitants de l'enfer et qui seront justement reconnus par ces signes par lesquels Allah va les faire sortir de l'enfer pour les faire rentrer au paradis, c'est la marque de la prosternation et les marques de lumière que les gens qui font le wudu auront au jour de la résurrection, on reconnaîtra la umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam par les marques de lumière, al-ghurb ou al-tahjil, dans les bras, dans les jambes et sur le visage, ils auront des lumières blanches. Et la marque de prosternation, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'enfer va tout brûler dans l'enfer, de celui qui est dans l'enfer, sauf la marque de sa prosternation. Donc, déjà ça c'est un signe de l'importance de la salat et de la grande importance de la salat.